Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans un nouvel épisode de Catch Up Raw, votre émission hebdomadaire de résumé et d'analyse de Monday Night Raw avec l'équipe du Catch Up, comme vous pouvez le voir, présentation sobre, présentation à la bonne franquette, puisque c'est moi qui présente, c'est Hank. Je suis accompagné par Raphaël aujourd'hui. Voilà. Voilà, ça ne nous coûte pas d'argent. C'est ça, vous pouvez le voir. Mais donc, du coup, on a un petit coucou à faire. Alors, malgré le fait qu'on a essayé de mener une petite feud contre eux, hein, ils sont trop gentils pour nous répondre par la négative. Sturi de C'est ça le catch et Pierre de Vox Catch nous ont fait un petit coucou sur le... On n'entend pas Raph, mince, c'est une mauvaise nouvelle. Alors Raph, attends, je vais résoudre ça en deux temps, trois mouvements. Pendant ce temps-là, je comble. Donc du coup, je disais audio input capture, voilà, add, voilà. Non. A new source. Je vais relancer un truc. Ça marche. Attends. Vas-y. Petit souci technique, c'est bon, est-ce qu'on m'entend? 1, 2, 1, 2. Voilà, c'est bon. Là, on t'entend. Bon. Là, on t'entend. Depuis... Voilà, j'avais dit que ce serait le bordel. Merci beaucoup à François. Pour une fois que donc... je suis pas dans des pays lointains. Là, c'est Bordeaux, ça capte pas très bien. Hein. Et oui. Donc, après ce début de podcast, comme d'habitude. Ce botch. Enfin bref, ce botch. Donc, on reprend. Sturi et Pierre, donc Sturi de C'est ça le catch, et Pierre de Vox Catch, à l'occasion de leur petite discussion sur le catch français et un petit peu la fusion des cahiers du catch et de Vox Catch, ou plutôt le rachat des cahiers du catch. L'intégration dans la corporate, c'est Vox Catch. Donc voilà, ils nous ont fait un petit coucou. Par contre, Sturi a dit qu'on était sur SoundCloud, je pense qu'il voulait dire PodCloud. Mais donc voilà, sympathique, hein. Merci pour le petit coup de pub. On va quand même essayer d'avoir une feud avec vous, parce que vous avez environ 300 fois plus d'abonnés que nous. Donc il faut quand même, au bout d'un moment, qu'il y ait un petit peu de hit, hein, dans ce monde du podcast français. Ça peut être une stratégie scénaristique, hein. On commence, on se fait coucou, on est gentil, on est amis, on sait comment ça finit souvent ces choses-là. Voilà, et donc puis on est un peu le podcast officiel, non officiel des cahiers du catch, donc voilà, on est reconnu et en même temps totalement illégal. Pre-agent. Bref, on a un Monday Night Raw à commenter. Et oui. Un Monday Night Raw qui commence par une note assez triste, même très triste, puisque c'est une minute de silence en fait pour la tragédie de Parkland en Floride, où si vous n'êtes pas au courant, vous ne suivez vraiment pas les informations, mais il y a eu une fusillade il y a quelques jours qui a fait une vingtaine de morts dans une école ou un collège, je ne sais plus. Enfin bref, ouais, je crois que c'est un lycée. Ouais, donc un établissement scolaire. Mais donc voilà. Et après cette minute de silence, on revient après la pub avec Roman Reigns, le Big Dog, qui arrive pour parler du Gauntlet Match qui est organisé ce soir. On est dans le GOM Show, hein, d'Elimination Chamber. Roman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, de toute façon, j'ai toutes mes chances à Elimination Chamber parce que tous les participants ici, enfin, je suis le seul à avoir une vraie chance contre Lesnar, parce que tous les participants ici ont perdu contre, contre Lesnar. Et puis, il y a 2 ans, je ne sais plus si c'est 2 ans ou 3 ans, à Mania. WrestleMania 31. Donc, je ne sais pas calculer. Donc 3 ans. Il y a 3 ans, et ben, j'étais à ça, hein, de battre Lesnar, s'il n'y avait pas eu. Et là, il se fait couper. Burn it down! C'est Seth freaking Rollins qui arrive et qui vient, bah, qui vient pas pour interrompre au micro, mais qui vient carrément pour débuter ce gauntlet match. Et un gauntlet match qui va durer très longtemps, vous allez voir. Il va durer la moitié du show, voire, oui, voire plus de la moitié. Donc, le match commence très très mollement. Hein. C'est Roman Reigns, hein, qui fait un headlock qui dure bien pendant 3-4 minutes sur Rollins. Mais le public est vachement derrière Rollins, hein, dès le début. Sa gueule du burn it down. Bref, pour les quelques spots, on a eu un blockbuster de Rollins, on a eu un drive-by, hein, de Roman Reigns, classique. Et après une bonne accélération, le match se termine avec un coup de filou de Seth Rollins qui va pour le curb stomp. Roman Reigns l'enroule dans un roll-up, tout simplement. Et Rollins arrive quand même à contrer avec sa force et rouler. Le Roman dans un bon rouleau de printemps, 1-2-3, victoire de Seth Rollins. Donc voilà, je vais continuer, on va dire, jusqu'à la fin du deuxième match, enfin la fin de la deuxième rencontre. Alors que Reigns veut fist pumper, hein, son pote, au début il fait ah, c'est pas cool, mais en même temps j'avais envie de prendre ma soirée, donc il tend son bras. Alors Rollins il tease un petit peu, genre ouais, je veux pas trop. Et à ce moment-là, on entend point point point, c'est Big Match John qui est là, et puis qui vient tout habillé de vert fluo. J'ai trouvé ça particulièrement dégueulasse ce soir-là. Hein. Et là, on sait qu'il aime les couleurs criard, mais c'était, ça faisait mal aux yeux. Les deux du Shield, donc, du coup, font quand même leur fist pump, hein, avant que Cena arrive. Et puis Cena, il commence à faire. Cena, il fait comme si Rollins n'était pas là. Il fait comme si c'était pas un gauntlet match. Donc, du coup, il arrive, il fait son cinéma, la casquette et tout. Et puis, au moment où il commence à prendre son élan sur les cordes, hein, pour faire son aller-retour, bah là, Rollins, il le chope direct, hein, clothesline. Non, mais tu vas arrêter de faire le malin. Parce que le match, il a déjà commencé, quoi. Donc. Rollins, bah, du coup, juste après, quand même, Rollins va se faire largement dominer, en fait. Et Cena lui donne pratiquement que des mandales, en fait, pendant toute la première partie de ce match. C'est Seth Rollins qui est à terre, qui est souffrant. Hein. Il vient quand même de passer, j'ai pas précisé, avec Roman Reigns, bien 20 minutes de match. Donc, du coup, il était déjà. Il avait donné, ouais. Un petit peu fatigué. Donc là, Rollins, il est à terre, hein, et Cena, il lui met des coups, etc. Il essaie de faire un petit peu, de temps en temps, des tombées, mais on voit quand même que Cena a la flemme, hein. Il est là, mais il met pas du sien, il y a pas de gros spot, hein, au début de ce match. Cena essaye pas de sortir de ses finishers. Et il dit juste à Rollins, mais reste à terre, laisse-toi piner, comme dit la chanson, laisse-toi piner. Et donc du coup après il y a Cena, donc, du coup, qui fout aussi Rollins dans un headlock pendant 300 ans aussi, mais après 30 minutes de match, Rollins est à l'extérieur, il est exténué, il remonte au compte de 9. Donc vraiment, on nous vend à fond que Rollins est super fatigué. Cena lui fait 3 belly to belly à la suite, et Rollins s'en sort quand même. Et même, donc, du coup, Cena, qui en a un petit peu marre, donc, du coup, après ce quart d'heure de match, bah, il lui sort carrément un attitude adjustment stunner. Donc, un attitude stunner, finalement. Ouais. C'est un attitude modifié sur le côté pour finir en stunner. Rollins peut à peine se lever et Cena joue un peu heel à ce moment-là. Hein. Il lui tourne autour, il commence à faire son petit jogging. Bref. Il enchaîne les pains, hein, comme je le disais. Et puis Rollins commence à se réveiller, duel de points. Après un saut de la troisième corde, Rollins est piégé dans le STF. Il en sort et réussit une souplex, mais ensuite se prend un roll-up de deux. Cena prépare son You Can See Me, mais Rollins le kick dans la face, puis continue avec un super kick, tombé de deux. Et sur le bord du ring, juste après, Cena et Seth se font face. Seth lui fonce dessus, Cena l'évite et Rollins se prend le poteau. Et là, juste après, Cena fonce sur Rollins, mais Rollins l'évite. Et là, Cena se prend carrément les escaliers. Donc du coup, les deux sont vraiment au bord du gouffre. Ils remontent tous les deux à 9 hein, dans le ring. Cena case un attitude adjustment désespéré et Rollins en sort à 2,9. Le public crie... Burn it down, Rollins va chercher Cena sur le poteau, superplex, Falcon Arrow, Cena s'en sort à deux, Rollins se fait piéger encore par un STF deux fois de suite malgré un contre, il s'en sort à chaque fois en touchant la corde, et Cena tente plus tard de porter Rollins sur le poteau, contré, Rollins descend, Cena saute sur Rollins, et Rollins le récupère comme un bébé, Cena tente de le rouler, mais Rollins réussit à le soulever, le mettre sur son dos et lui case un attitude adjustment. Oui, Rollins fait un attitude adjustment sur John Cena. Il tente aussi le Phoenix Splash. Après, Cena lui met un attitude adjustment. Rollins réussit à caser le knee, puis le stomp. 1, 2, 3, Rollins bat Cena. Voilà. Bon, on s'arrête là. C'est difficile. Le Rollins Cena, il y a beaucoup de beaux spots dans ce match. Que penses-tu de toute cette première partie de Gauntlet qui a duré 1 heure si on compte Elias, moins Elias, ça fait 50 minutes. 55 minutes. Juste la petite note d'humour qui a commencé le show, moi j'ai trouvé assez drôle quand même le contraste entre ce silence triste à cause de la minute de silence. On va à la pub, Roman Reigns arrive, tadam, et là, bouh, on est reparti sur les habitudes classiques. Il aurait peut-être dû arriver pendant la minute de silence. Il a eu le sourire en plus. Ça m'a fait rire. Mais sinon, déjà, c'est sorti un peu de nulle part ce Gauntlet match, personne ne nous l'avait annoncé. Je spoil un peu d'avance, mais on n'a pas vu Kurt Angle de la soirée. Hein. Mm-hmm. Tout s'est bouclé un peu comme ça. Et voilà, donc on a quand même un très très gros match, puisque le principe du Gauntlet, c'est ça, que des matchs les uns après les autres. Donc on savait d'avance que ça allait être très long. Et ça commence, putain, c'était assez impressionnant et assez inattendu. Déjà, Roman Reigns donc, qui perd, totalement clean, ouais, au bout de 20 minutes, bon, bah, c'est un roll-up, mais il perd. Et après John Cena, comme tu l'as dit, John Cena qui a joué assez bien le vétéran qui avait pas trop envie de, qui avait un peu envie de faire sa petite pige là au début. Il vient après 20 minutes de match, il se l'est joué facile. Ouais, il a beaucoup tenté de tomber de décompte de 10 à l'extérieur, hein, comme ça il envoyait Rollins loin, puis il revenait, peinard, il attendait 9, il est revenu, ah merde, allez on repart. Et puis finalement, plus ça montait en progression, il y a eu une belle progression dramatique et Rollins aura battu Roman Reigns et John Cena dans la même soirée. Et comme l'a dit, je pense que c'est Michael Cole, c'est un marqueur de carrière ça quand même d'avoir. Je pense que dans les années à venir, on l'entendra plusieurs fois dire tel Jericho qui a battu The Rock et Steve Austin dans la même nuit. Là, c'est quand même, je pense pas que ça soit un exploit qui se répétera. Donc très très grosse perf de Seth Rollins. Et c'était, à mon avis, celui qui en avait le plus besoin parmi tous les mecs de cette Elimination Chamber, là, qu'on reconstruise un peu un personnage impressionnant. Et là, bah, il a montré qu'il était Seth freaking Rollins. Donc, assez étonné par ça. C'est assez dingue comme la WWE a pu s'adapter aux circonstances. C'est fou. En fait, j'ai l'impression que la WWE fait le plus d'efforts lorsqu'ils sont en improvisation. En fait. Ah merde, oui. C'est comme la carte de mince, la carte de Survivor Series ou non, c'était la quelle carte sur laquelle il y avait Balor et AJ Styles. Non, c'est pas les séries, c'était un pay-per-view que Raw, bah c'est celle où il y a aussi le Shield contre. On va peut-être nous aider dans le chat, hein. Mais celui où Kurt Angle est revenu, bah c'est le pay-per-view juste avant le Shield, juste avant Survivor Series, donc c'était peut-être TLC. Oui, voilà, c'était ça. Donc du coup, pareil, tu vois, ils avaient sorti un peu, comment, les grosses, enfin le, on va dire des affiches de comment on appelle ça, de fanfiction finalement en fait. Ouais. C'est un peu les affiches. Et donc là, même si c'était pas une affiche de fanfiction parce que c'est les mecs qui sont qualifiés pour Elimination Chamber. Là, on a eu, enfin, on va continuer à parler de ce match. On a eu un match qui a duré, alors j'ai plus le chrono exact, mais 1h30, voire un peu plus d'une heure trente. Oui, plus, ouais, je pense. Ouais. Et surtout, on a eu Seth Rollins qui, du coup, avait tout un plan avec Jason Jordan, qui en 2 semaines, finalement, ils ont décidé de, ils se sont réveillés, ils se sont rendu compte que Rollins était aimé par le public. Ouais, ce qui rebuild, est... ils ouais. ont réussi à le reconstruire plus rapidement que quand ils avaient voulu le faire. Ouais, voilà, c'est quand même assez assez fou. Et ce match, enfin du moins cette partie du match est la storyline, on va dire, je pense de la plus grosse storyline de la soirée, hein, dans le sens où Rollins, la semaine dernière, il a parlé de Monday Night Rollins et on aurait pu croire que c'était des paroles en l'air, etc. Là, il commence à lui faire Richard qui nous dit 2 heures environ, d'accord. On commence à lui faire vraiment confiance, à montrer clairement qu'il est une top star. Il a battu Roman Reigns et John Cena, c'est les deux top stars de la WWE. Finalement. Ouais, et puis donc, clean, même s'il y a Strowman, mais Strowman n'est pas en tête d'affiche dans les pay-per-view. Il y a pas encore Strowman, il n'est pas encore en face. Hein, dont je parlais avec Ringside il y a pas longtemps parce que je voulais faire une analyse des Elimination Chamber, savoir combien de fois à Elimination Chamber, c'est un stade de merde, hein, mais combien de fois à Elimination Chamber la personne qui est en face sur l'affiche, qui est le plus visible, a gagné Elimination Chamber. Parce que cette année, forcément, c'est Roman Reigns. Sur l'affiche. Oui. Pour le reste, on verra. Ouais. Voilà, bah, c'est quand même... C'est difficile de pronostiquer autre chose, quand même. Mais donc, bon, on pourra en parler à la fin du podcast. Toute cette histoire, parce que Seth, il a eu des passages à vide dans ses matchs. Là, je peux pas résumer. Ça prendrait très longtemps de résumer tout le match point par point. Il a eu des passages à vide. Il a eu des moments. Enfin, ce dont on parle, l'attitude adjustment sur John Cena, où il le porte à partir de rien. Hein, il le porte comme un poids mort. Il le met sur son dos, etc. Ça, il fait ça après 45 minutes de match. Enfin, 40-45 minutes de match, c'est quand même une endurance de cinglé, quoi. Ah, sportivement, c'est énorme ce qu'il a fait, hein. Donc voilà, c'est un peu le comment le, ce sera un peu le la con, enfin la conclusion, l'enseignement, le plus gros enseignement de la soirée, c'est surtout que Seth Rollins est sur une bonne montée, et on va passer. À la suite du match, j'ai lu tes questions, Richard. On en reparlera à la fin du podcast. Donc, Elias arrive en courant, hein, pour profiter de Rollins. Hein, Rollins qui est à moitié mort. Hein, très bien. Là. Au bout du rouleau. Donc du coup, Rollins est à terre, indirect. Elias, il va pour le tomber. Non, seulement deux. Ensuite, il le piétine. Hein, il est très énervé. Elias, seulement deux. Il prend l'élan sur la corde. Close lines. Tombé deux une nouvelle fois, un 3 tombé de suite, ça ne marche pas. On retrouve Rollins après la pub dans une sorte de ankle lock, hein, que fait Elias, et Cena en coulisses est interviewé, il dit qu'il a manqué de concentration et que pour la première fois en 10 ans, il n'a pas de road to mania, hein. Bon, ça il en avait déjà parlé, et il doit se remettre en question, donc du coup il parle un peu du fait qu'il mélange, voilà, il mélange les genres, hein. il fait du cinoche, il fait etc, et puis donc j'ai trouvé que c'était quand même bien raconté. Juste un petit commentaire là-dessus, Raph, l'interview de Cena. Ouais, parce que donc, pour dire, après chaque mec qui a été éliminé, il va parler en coulisses plus tard avec René Young. Donc, tous les interviews ne seront pas très intéressants. Mais c'est vrai que celui de Cena, ça pointait le personnage, quoi. C'est vrai qu'il a dit qu'il se dispersait un peu. Donc, il allait falloir se reconcentrer sur le catch. Et c'était plutôt bien trouvé parce que c'est vrai que sur le papier, Seth Rollins a fait une énorme perf. Ça reste aussi, sportivement parlant, une petite déconvenue pour John Cena, quand même, se faire taper par un mec qui vient de passer 20 minutes contre Roman Reigns. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que Cena, il est assez mauvais joueur, en fait, dans ce qu'il dit. Parce qu'il explique que, d'un côté, il s'excuse presque d'être un part-timer, etc. Et juste à un moment, il dit « Oui, mais Seth Rollins, c'est un mec qui peut consacrer tout son temps à la WWE, etc. » Et j'ai trouvé que c'était quand même... C'était pas mal, parce que c'était assez mauvais joueur. Enfin, c'est... Ça donne un petit côté un peu piquant à ce qu'il dit. Ouais, il commence à avoir une gimmick un peu drôle de vieux réac, un peu comme ça, bien installé, qui méprise un peu les autres, donc c'est drôle. Ouais. Et pour revenir donc du coup au match, donc pendant ce temps, Rollins, il est en train de sceller hein, son genou qui flanche. Hein. Je sais plus si c'est le genou. Ouais, droit ou gauche, mais bref, ça l'empêche pas, par contre, de faire un super kick à un moment, Cyril Ayas, pour un tombé de 2,5, mais juste après, il saute au-dessus des cordes pour un tombé sur Samson, sur Samson. Donc je pense que, ouais, non, il prend son élan sur les cordes, bref. Et peut-être, 3 minutes plus tard, il se fait piéger par le drift away de Ilias. 1, 2, 3, Ilias gagne contre Seth Rollins. Voilà. Un petit mot sur... Ou alors on attend le... Ouais, on va faire... L'élimination après, ouais. D'accord. Autour de Balor, donc du coup, d'affronter Elias. En coulisses, donc du coup, on a Rollins hein, qui est interviewé. Ce qui est pas mal, c'est vraiment... terriblement babyface, mais ça fonctionne super bien, c'est que Rollins est vraiment pas satisfait. Alors que le gars, il vient de tuer les deux top stars de la WWE, il fait « Ouais, mais bon, ça veut rien dire. » Ce qui est presque une attaque envers ceux qui ont écrit l'épisode, parce que c'est vrai que le match ne veut rien dire. Le match ne sert à rien. Enfin, ah oui, ça... Techniquement, la personne qui va gagner ce match ne gagne rien du tout. Mais... Bah, c'est le principe de souvent dans le cadre, c'est le prestige. C'est-à-dire que ouais. Je pense qu'on va quand même utiliser ça beaucoup pour la carrière de Rollins, c'est-à-dire qu'il a battu les deux. Mais effectivement, oui. Comme il l'a dit très justement, s'il perd dans l'Elimination Chamber, cette perf de ce soir n'aura servi à rien. Ouais, voilà. Mais donc voilà. Balor et Elias, franchement, je vais pas vous en raconter grand chose. C'était plutôt sympa. Ça s'est joué beaucoup dehors. Hein. Balor a foutu je sais pas combien de dropkicks, comme d'habitude. Mais le public, lui, se fait apparemment un peu chier parce qu'il gueule We Want Strowman. Hein, ça gueule pendant le match. Et donc voilà, j'ai noté le public s'en fout car aucun des deux ne gagnera Elimination Chamber en fait. Oui. Donc Balor gagne avec son coup de gras. Et là, le Miz arrive. Enfin, Bo Dallas et Curtis Axel. On se demande, il est où le Miz? Il est pas derrière Bo Dallas et Curtis Axel. Donc du coup, les deux délinquants là, ils arrivent vers Balor. Balor il fait oh là là, je vais me faire niquer. Il commence à reculer et là derrière lui, eh bien c'est le Miz. Le Miz il est arrivé. On ne sait pas par où, mais bref, il l'attaque par derrière et le match est une longue domination du Miz hein, parce qu'il blesse le bras droit de Finn Balor. Là où Finn Balor porte un bandage. Il y a eu quelques interventions du mistourage. Et après deux distractions, Balor se fait prendre dans le Skull Crushing Finale. Victoire du Miz. Voilà. Mais la joie est de courte durée. Et la joie est de courte durée, exactement. Puisque à ce moment-là, le public exulte. Et puis le Miz se dit « Merde, mais qui reste dans ce match ?»« Ah oui, le mec qui veut me tuer !» C'est Braun Strowman, l'homme qui a déjà essayé de véritablement tuer le Miz. Hein. Vous vous en souviendrez il y a quelques mois. Donc il arrive, il balance le Miz comme une poupée de chiffon. Hein, et il lui offre même à un moment un dropkick. Enfin, ouais, c'est terrible quand il fait des dropkicks, c'est tellement... Donc voilà. C'est drôle et impressionnant. On a, voilà, le Miz se fait massacrer. Il y a un moment assez étonnant où le Miz arrive à caser son Skull Crushing Finale sur Strowman. Mais bon, ça, il kick out. Le moment où Strowman, il fait le tomber sur Strowman et Strowman le pousse à l'extérieur du ring avec son kick out. Donc voilà, ça se finit avec une running power slam. 1, 2, 3, victoire de Strowman. Qui ensuite va enchaîner les power slam sur à peu près tout le monde, hein, comme d'habitude. Oui, il va bien finir les cadavres du mistourage. Parmi ces gens, donc du coup on a déjà parlé de Rollins, parmi ces gens, quelle storyline enfin pas storyline, mais quels enseignements t'aurais à prendre de cette rencontre? Qui as-tu préféré en dehors de Rollins? Moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit tout ce match, peut-être trop long à la limite parce que c'est vraiment très très très très très long en fait, mais parce que c'est un peu assumé, c'est ce que t'as dit, c'est que le match il sert à rien, y a pas d'enjeu, il y a pas de place, et du coup ils ont pas cherché à vouloir nous dire trop de choses. Y a cette énorme perte de Rollins au début qui à mon avis va énormément servir à son personnage dans les prochaines semaines. Et du coup, après, tout ce qui est derrière est intéressant. Je trouve, il est éliminé par Elias, donc ça lui fait du bien aussi au Drifter, qui est peut-être le moins coté de tous. Et en même temps, c'est pas non plus humiliant pour Rollins après ce qu'il vient de faire. Bon, Balor, pareil. Balor sort Elias, c'est logique. Après, il perd contre le Miz. Ça aurait pu. C'est une belle victoire de la part du Miz aussi. Et puis à la fin, celui qui gagne, celui qui finit finalement tout ce très long segment en tant que vainqueur, c'est quand même Strowman qui est vécu comme l'homme fort. Mais au final, bah, il est arrivé en dernier, il a juste éliminé le Miz. Donc ils n'ont pas essayé de nous surjouer le côté ouais. C'est pas, Strowman n'a pas éliminé 5 gars. Je trouve qu'il y a alors est-ce que c'est un problème, je ne sais pas, mais je trouve que finalement il n'y a personne qui a brillé, enfin sortant de ce match, je trouve qu'il n'y a personne qui a brillé à part Rollins. Ça veut pas dire que les matchs étaient mauvais, les matchs étaient tous bons. À part, je dirais, le début de Rollins-Reigns, qui était vraiment chiant, j'ai trouvé. Comprends pas pourquoi on commence un match avec un headlock qui dure 3 minutes. Ça, c'est. Sinon, le reste du catch était vraiment bon, mais par mécanisme d'élimination, etc., j'ai l'impression que le seul qui a vraiment progressé au niveau, genre, on se rend compte que il a musclé son jeu entre guillemets ce soir-là, c'est Rollins, parce que le reste des gens, finalement, moi, ça m'a presque étonné que Balor se fasse éliminer par le Miz. Ouais, mais ça aurait été dommageable pour le Miz aussi. Moi ça m'a pas déplu dans le sens où bah du coup on a l'impression d'une certaine homogénéité quand même. Et avec Strowman notamment, ça fait des mois qu'on le voit détruire tout le monde. Ça aurait été un peu trop en rajouter s'il avait éliminé mettons 3 ou 4 mecs là. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ça s'est beaucoup succédé, finalement ça une logique finalement, sportive en fait, aussi. Ouais, hein. Disons qu'à part Rollins, tout le reste était un petit peu des dominos, enfin tout était à peu près logique. Je disais que c'est pas que j'étais ultra étonné que Balor se fasse battre, mais on va dire que c'était l'autre personne, je pense, qu'ils auraient pu peut-être un peu entre guillemets builder, mais ils peuvent pas non plus builder deux babyface en même temps, parce que d'après ce que j'ai vu ce soir, Balor est clairement encore face en fait. Oui, bah oui, oui. Ouais. Bah, en même temps, il marche vachement bien auprès du public là. Il est en train de marcher de mieux en mieux. Non, ce qui est étonnant aussi, mais on va craindre la règle du fameux booking inversé, hein, c'est de voir Roman Reigns si vite passer à la trappe et si vite oublié dans la soirée. Mais bon, le problème c'est qu'effectivement le match n'a pas d'enjeu, donc il peut très bien sortir dimanche gagnant de l'Elimination Chamber et on aura oublié cette petite erreur. Mais oui, ils peuvent nous glisser un triple threat finalement contre Lesnar et caser l'autre mec qui juge capable d'être dans la rencontre, comme Strowman finalement. Est-ce qu'il ferait Strowman, Reigns, Lesnar, tu vois, les kilos, la tonne de muscles dans un seul match. Le gros caddie, ouais. Mais c'est vrai que Je sais pas ben comment ils ça. arriveront à faire ça, mais tu sais, la WWE, de temps en temps, ils sortent le truc genre, ah, finalement, ouais, Oui. on a une opportunité, ou il y a une embrouille, ou. Tu sais, ouais, tu fais une embrouille à la fin d'Elimination Chamber, je sais pas, encore une de ces décisions qui est pas certaine, etc. Et puis voilà, le tour est joué. Enfin bon, là, ça serait quand même beaucoup, hein, parce qu'ils ont déjà fait la même il y a 2 semaines, il y a une Ouais, semaine ouais, même. ouais. J'y crois pas trop, mais c'est vrai qu'on va en venir à se demander quel programme là après à Mania pour tous ces mecs qui vont perdre la chambre. L'autre truc que j'imagine, c'est que Cena va être récupéré par le Taker, quoi. Ça commence, moi ça commence à devenir. Pourtant, j'étais persuadé, je me disais, le Taker, ça sert à rien de le faire revenir. Je pense pas qu'ils vont le faire revenir, etc. Puis plus je vois Cena tout penaud, qui est en train de faire, oh, j'ai pas de road, tout WrestleMania, oh, comment je vais faire? Il va pas gagner Elimination Chamber, c'est pas possible. Non, C'est non. juste pas possible. Donc du coup, il y a que ça, quoi. Je vois pas d'autre chose. On va pas lui mettre quelqu'un de la carte en ce moment. Il a pas de. S'il pourrait avoir une vague feud avec Elias, Cena va jamais accepter d'être contre Elias à WrestleMania. C'est Ouais, pas une c'est. affiche assez. C'est pas une affiche assez. Enfin. Bah, il reste la possibilité de lui donner, enfin, de lui donner Strowman, plutôt de donner Senna à Strowman pour faire une grosse victoire à Brown. Mais je sais pas, c'est vrai qu'il est dans une position bizarre, Cena, mais je crois que c'est la fois de sa carrière où il est finalement le plus proche du heel turn et pas du tout de la façon dont les suiveurs l'ont réclamé depuis des années, le heel turn de Cena, tout ça, mais plutôt sur ce personnage, ouais, un peu de vieux réac en mode ouais bah excusez-moi, j'ai d'autres choses à faire de plus important. Il est J'aime bien le côté aigri en fait qu'il Ouais, c'est ça, mais a. si c'est voulu, je pense que oui. C'est vachement bien joué. Puis dans le match, il a été insupportable. Enfin, il a été très très méprisant, Ah j'ai oui, trouvé, envers il a Rollins. été excellent, mais c'est ce qu'on disait. Bah Stay down, tout ça. je suis passé aussi le message de. Enfin, Ringside était d'accord sur ce sujet-là. C'est que Cena, tout son boulot dans le match, c'était de l'acting, quoi. C'était genre, je suis là, je suis en train de parler. Sans faire le heel, il a réussi à clairement montrer Rollins, c'est le babyface, c'est moi le connard. Ouais, là, il Donc, a. du coup, c'était très bien joué sans pour autant être vraiment heel. Enfin, je veux dire, pas de coups foireux, etc. Non. Donc, ouais, non, mais ce match était. Je vais pas dire excellent, enfin, je vais pas dire passionnant de bout en bout. Mais largement, pour un match qui dure aussi longtemps, c'était vraiment de la très bonne qualité de tout le monde. Hein. Et puis c'était pour le coup, c'était quelque chose de, je vais pas dire novateur, mais c'était, oui, Ah bah c'était si, enfin bien trouvé. pour la WWE, c'est franchement novateur. Je crois que le. Je sais plus, il y avait une histoire comme quoi le dernier record, c'était un match de 50 minutes ou un truc comme ça. Mais ça date de. Oui, bah c'est pareil, je sais plus si c'est Michael Cole ou quoi qui disait que Rollins c'est le mec qui restait le plus longtemps Voilà. dans un match, dans un Raw depuis, je sais plus, il a cité Après, quel ce qu'il a nom. pas dit, c'est qu'à l'époque, les Raw duraient pas 3 heures. Mais Oui, hein, bon, ouais, c'est pas faux. c'est un peu, ouais. Mais donc voilà. Juste après, on a eu l'annonce surprise et pas surprise parce que si vous suivez un peu l'actualité sur Internet, vous le saviez. Jeff Jarrett va être ajouté au Hall of Fame, l'homme qui a chié sur la WWE pendant tant d'années. Et qui est un petit peu dans la panade hein, ces derniers temps. On en parle dans Talking Catch assez régulièrement. Hein, ses frasques avec la TNA, Impact, ses problèmes de je peux pas venir au show, je suis bourré. Enfin, ses soucis de. Enfin, c'est pas je peux pas venir au show, je suis bourré. C'est simplement il est pas venu il y a quelques. Je sais plus, il y a 2 mois ou 3 mois. Il est pas venu à un enregistrement d'Impact tout simplement parce que il donnait pas de nouvelles Ah, d'accord. et donc du coup après bah quelques semaines après du coup il était en désintox D'accord. Ah, je sa pensais pas qu'il avait des désintox pro. qui a été payé par la WWE D'accord. donc maintenant on commence, on comprend tout ce qui s'est passé au niveau de l'aide de la WWE, même si la WWE aide aussi d'autres superstars retraités quand ils ont des soucis. Mais donc voilà, cette annonce un peu surprise, on va dire quand même. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah ça, en tout cas, ça prouve bien que tout est possible et que le temps efface tout, et qu'on peut très bien revoir CM Punk, on peut très bien revoir n'importe qui. Bon, bref, c'est un métier passionnant. Les mecs ont des carrières très bizarres, et à des moments ils ont besoin de sous, à des moments ils détestent machin et trucs. Donc ouais. Oui, au bout d'un moment, il y a un côté un peu nostalgique qui nettoie tout. Business is business. Il y a François qui nous dit il vient bourré au show, c'est ça le problème, ouais. Mais il y a eu une fois, donc du coup là, je sais plus si c'était un enregistrement ou si c'était le pay-per-view. Mais donc voilà, il est juste, il a juste pas donné signe de vie pendant quelques jours. Salut Diax qui vient d'arriver sur le chat. Donc ensuite, on a un petit package sur Ronda Rousey. Alors la WWE a eu le droit de choper des images de l'UFC. Ça m'a étonné un peu. Bah sûrement. Bah, heureusement en même temps, parce que bon, sinon vous la filmez en train de s'entraîner. Le, le packaging, ça aurait été ça là pendant 2 heures. Il est là-bas le panneau, il est là-bas. Mais on sait pas ce que tu veux dire, Ronda. Mais tu veux être contre qui? Bah oui, c'est la grande parler, énigme. J'en parlerai plus loin quand il y aura le segment féminin, mais c'est d'accord. Une énigme. Ouais. Ronda, donc du coup, qu'on va voir à Elimination Chamber pour la signature de son contrat, probablement sous quelques bouts. c'est possible, parce que là, ça commence à être son traitement par la WWE et pas, je trouve, s'ils veulent en faire une babyface, c'est pas exactement la façon dont... Je m'y prendrais, parce que du coup là elle retire un petit peu de la, on va dire, c'est la première Elimination Chamber féminine, et on met en même temps Ronda Rousey qui signe un contrat dans la même soirée, donc du coup ça fait un peu qu'est-ce que c'est le main event, est-ce que c'est la signature, ouais, ou est-ce que c'est l'Elimination Chamber? Ça fait beaucoup penser au retour de Batista, moi je trouve, ça fait vraiment la meuf qui a négocié pour être au meilleur point. Ouais, voilà, le moindre de ses mouvements va être valorisé. Donc voilà, bon, le paquet ne nous raconte pas grand-chose, hein, c'est juste, voilà, c'est une très grande combattante et tout ça, et on parle pas du tout de sa défaite, qui est très drôle. Si vous voulez, ouais. Si vous voulez voir la première défaite de Ronda Rousey, Elle est sèche. Mais oui, non. La première bantamweight championne de l'UFC. Donc, ensuite, on a les champions tag team Cesaro qui arrivent. Et pour un match qui va être très rapide contre Titus Worldwide, hein, Apollo Crews et Titus O'Neil. Puisque c'est Cesaro qui se fait battre en roll-up par Titus au bout de 3 minutes, hein, dans la confusion. Voilà, les champions qui du coup vont peut-être finalement devoir mettre en jeu leur titre contre Titus Worldwide. Hein, parce que j'ai l'impression à Raw, il n'y a pas... déjà des tag team face, c'est pas facile, parce que Doug Gallows et Karl Anderson, on sait pas vraiment s'ils sont face ou heel. Ils catchent pas, enfin si, ils ont leur espèce de petite feud contre les Revival, mais ouais, mais ils perdent. Ouais, c'est Revival qui perd, ensuite c'est eux qui perdent, ensuite on sait pas trop où ça en est. Donc Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu vois Titus Worldwide choper la ceinture, ou c'est juste pour occuper un peu les comment, les champions? Je les vois pas du tout choper la ceinture, mais on sait jamais dans l'univers de la WWE. Je vois pas pourquoi, mais ouais, comme tu dis, ça fait vraiment on sait plus trop quoi vous donner là en attendant. Donc il y a cette équipe qui existe, mais en même temps Titus Worldwide, il y a quelques semaines là, ils avaient déjà battu par deux fois en weekly et puis en pay-per-view vous avez fini par perdre. Alors j'attends d'ailleurs, justement j'ai des obligations j'ai des obligations, c'est moi qui suis censé créer le pronostic pour l'Elimination Chamber, pour les cahiers du 4. J'attends de voir s'ils nous ajoutent ce match là Pourquoi pas, c'est pas très intéressant, mais bon, histoire d'avoir un match pour Cesaro, un pay-per-view de Raw quand même, ça serait plus logique. Oui, voilà, Non, peut-être. moi ce qui me semblerait le plus logique, enfin ce que je ferais si j'étais booker, Cesaro et Sheamus, ils ont quand même un statut un peu à part aussi de mecs vraiment populaires, donc je les turnerai face et puis j'enverrai The Revival en tant que prochain vrai challenger et prochain vrai champion, mais le temps de construire un peu les Revival, il y a un petit creux là. Après, on sait pas combien de temps aussi on va avoir Cesaro avec toutes ces histoires. On sait plus si c'est des rumeurs sur Sheamus qui est pas en super forme, Ouais, mais qui a bon. un souci de dos. Donc Diax qui dit, Hank, tu penses que Nia Jax peut être celle qui va battre Asuka et arrêter la streak? Bah on va en parler juste après. Là, on a le. Ah oui, non, j'ai oublié. Il y a Bray Wyatt, voilà, qui raconte de la merde comme d'hab dans sa cave. Et de l'autre côté, il y a Matt Hardy qui raconte de la merde comme d'hab dans sa chambre illuminée. Sous son Velux, ouais. Voilà. C'est juste ça. Hein. Ils disent la même chose que d'habitude. Donc ils ont un match l'un contre l'autre à l'Elimination Chamber a priori. Hein. Probablement. Pourquoi pas. Ça serait bien qu'ils nous mettent ça en kick-off. Non mais vraiment, enfin, Ouais. tant qu'il n'y a pas... Le problème avec... Ils n'ont pas compris que le gimmick de Matt Hardy, il fonctionne pas tant qu'il n'y a pas l'univers autour. S'il n'y a pas l'univers, si on n'a pas l'imaginaire de sa maison, de ses rituels, de toutes les conneries qui ont fait l'univers de Broken Hardy, le drone, le jardinier, voilà. S'il n'y a pas tout ça, c'est juste Matt Hardy qui raconte de la merde et on comprend pas vraiment à quoi ça fait référence. Et c'est marrant au début, mais maintenant, enfin, je veux dire, le gimmick, c'est pas. Voilà, le gimmick, il peut pas Ouais. être réduit à juste deletion, et je suis Woken. je suis woken, tout ça. Donc ouais, faut aller au-delà de ça. Bray Wyatt, il a pas changé d'un pouce, hein, et je sais pas, on lui écrit la même chose toutes les semaines. Donc voilà, il faut qu'il se passe quelque chose dans cette rivalité. Pour l'instant, c'est la même chose qu'il y a un mois. Donc Ouais. Alors, par rapport à toi, je pense qu'ils peuvent arriver à créer. Enfin, ils sont pas obligés de copier ce qui a marché à la TNA, mais il faut qu'ils le nourrissent, ce personnage de Matt Hardy. Et au début, il y avait eu 2-3 segments. Là, je me souviens d'une fois où il jouait aux échecs contre un poisson rouge, c'était plutôt rigolo. Il faut qu'on le voie faire des trucs, Oui, voilà. il faut qu'il bouge, il faut pas qu'il soit juste à dire. Parce qu'au final, on comprend même plus pourquoi il déteste Bray Wyatt. Enfin, Matt Hardy, de toute façon, c'est hors ring qu'il faut Mais qu'il. Parce que. oui, faut le voir en train de. Bon, il y avait un passage qui était sympa, mais l'embêtant, c'est ce qu'ils filment. En fait, c'est assez cheap, quoi, parce qu'ils font ça dans les coulisses. Ouais. C'est quoi? C'est genre, il y a deux éléments de décor, etc. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est le voir dans son espèce de maison manoir, en train de parler à, je sais pas moi, un squelette, et en train de lui dire, voilà comment mon armée va se placer pour battre Bray Wyatt. Ici, il y a blablabla, ici, il y a truc. Voilà, qui est. De toute façon, Matt Hardy, c'est pas avec son in-ring qu'il va nous vendre un match. Non, ni Bray Wyatt, mais Matt Ni. Hardy en plus, c'est mal parti. Ouais, Bray Wyatt, Un peu trop. je trouve que quand il se sort les doigts du cul, il peut être vraiment bon dans le ring, Bray Wyatt. Oui. Mais Matt Hardy, voilà, il a plus l'âge. Même quand il marche, on a l'impression que voilà, il a encore 15 trucs de cassé dans son corps. Donc, du coup. C'est l'univers qui doit nous vendre. Là, il n'y a pas le budget pour l'univers. Je sais pas, ils n'ont pas encore filmé ce qu'il faut. Donc, du coup, moi, ça m'intéresse pas des masses, quoi. Donc, voilà, on a eu ce petit passage. Et là, on passe aux filles avec ce Six Women Tag Team Match. Du côté des Faces, nous avons Sasha Banks, Bayley, Mickie James. Et du côté des Heels, nous avons Mandy Rose, Sonya Deville et Alexa Bliss. Et il y a aussi Paige qui fait semblant d'être toujours catcheuse. Ouais, mais tu n'as pas évoqué, il y avait un petit segment un peu plus tôt quand même Ah sur oui, les filles. mince. Attends. Je sais pas si Le une segment. interview sur le Ah ring. oui, Asuka! Oh mon dieu, j'ai oublié. Mais en fait, tu sais, c'est un peu la mémoire qui. C'est un peu. Genre. Mon cerveau qui me préserve des mauvais souvenirs. Donc, Oui, on a eu un petit passage de Asuka qui vient dans le ring pour dire qu'elle a pas peur de Nia Jax. Parce que donc du coup on a cette Asuka Nia Jax qui va être à Elimination Chamber avec comme enjeu le streak d'Asuka et donc voilà, elle raconte des trucs, la moitié du temps le public comprend pas, hein, vraiment le public est complètement mort et ensuite moi j'ai pas compris non plus. Oui, bah il y a des moments où j'ai eu un peu de mal, mais ensuite il y a Naya qui vient de l'attaquer par derrière. Asuka contre-attaque, mais finalement elle se fait dominer à la fin par Nia Jax, histoire de dire que Nia Jax a une chance. Donc voilà, t'avais un commentaire là-dessus. Je pense que c'est le voilà, je vais spoiler mes tops, mes flops, mais je pense que c'est le pire segment du show. Ouais. C'est pour ça que j'ai. Par contre, moi ce que j'ai vu sur la bannière, c'est qu'a priori si Nia Jax gagne, mm-hmm. donc. Voilà, très peu probable. Le match pour le titre de WrestleMania de Asuka qui a gagné le Rumble devient un triple threat. Oui, elle sera ajoutée. Oui, c'est ce que, oui, j'ai oublié de dire ça. Elle sera ajoutée au match. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils en ont parlé il y a deux semaines ou trois semaines. Et depuis j'avais zappé. Et puis, donc oui, Nia Jax, l'enjeu, oui, c'est que Nia Jax gagne une place pour... pour le match de Mania, mais personne n'y croit quand même. Hein. Pas trop, non. Pas déconner. Donc du coup, allez, on passe au Women Tag Team Match. On va y arriver totalement bordé avec ce podcast. Sasha Banks, Bayley, Mickey James contre Mandy Rose, Sonya Deville et Alexa Bliss. Donc au début, on a un duel entre Bayley et Mandy Rose. Voilà, plutôt sympathique, même si Mandy Rose, on va le voir ce soir, est pas super précise sur ce qu'elle fait. De temps en temps, il y a quelques approximations, voire un gros botch, hein, dont je parlerai après. Donc voilà, Mandy, oui, voilà, j'ai noté Mandy botch un spot en plaquant Bayley par terre. Et puis à un moment, elle fait une rotation et elle plaque Bayley, où Bayley se tape un peu la tête par terre. Alors que Mandy allait massacrer Bayley dans le coin, Alexa Bliss tag. Hein, et donc voilà, elle domine largement Bayley. Bayley qui est un peu la souffre-douleur hein, du début du match. Bliss ensuite tag Deville, Bayley tag Sasha, et là à ce moment-là, c'est que ça commence déjà à être la confusion parce que l'arbitre pense que Bayley a pas tagué. Donc du coup, Mandy Rose va attaquer Bayley. Ensuite, Bayley tag Mickey parce que du coup, elle respecte la décision de l'arbitre. Donc Mickey se retrouve contre Mandy Rose. Elle maîtrise largement Mandy Rose et Sonya Deville qui tentent d'intervenir. Et Alexa Bliss, elle veut pas du tout taguer parce qu'il y a toute cette histoire comme quoi Alexa Bliss essaie de redevenir copine avec Mickey James. Mickey... quand même se fait surpasser un petit peu par l'équipe Hill au bout d'un moment. Elle se fait massacrer par Deville et Mandy. Et Mandy à un moment botche encore un spot avec un slam qui plaque du coup Mickey très proche de sa tête. Hein, on voit Mickey James parler à Mandy Rose juste après. Je pense qu'elle elle l'a engueulé un petit peu. Mais donc voilà. Ensuite, on a Mickey qui tag Banks, Bliss qui tag Mandy et Banks qui balance son double knees direct sur Bliss. Et les deux sont à peu près au même niveau au niveau de l'attaque. Il y a des interventions d'absolution, mais ça n'empêche pas Sasha de faire le bank statement à un moment sur Alexa Bliss. Voilà, Bliss qui tape pour abandonner. Et oui. Après le match, Sasha Banks se fait massacrer par absolution. Et ensuite c'est Bayley qui se fait massacrer aussi parce que Bayley va essayer de sauver sa copine. Qui est toujours sa copine, donc du coup. Voilà. Et ça, c'était le, entre guillemets, main event. Donc, on va revenir vite fait aux questions. Bah tiens, tu vas pouvoir y répondre d'abord. La question de Diax. Penses-tu que Nia Jax peut être celle qui va battre Asuka et arrêter la streak? Bon, on en a parlé. Non, moi, je pense pas, non. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, bah, non, ça n'aurait pas... Ça serait bizarre maintenant, ça serait pas pertinent. Non seulement c'est pas le bon moment, mais en plus, enfin c'est pas le bon moment pour Asuka, mais c'est pas le bon moment non plus pour Nia Jax. Ouais, parce que j'ai pas envie de l'avoir dans un. J'ai pas Elle est envie de voir pas. Nia Jax là comme ça devenir number one contender en plus. Eliax qui nous dit aussi Sasha Banks va faire son heel turn vu son attitude ces dernières semaines, c'est mon impression, qu'en pensez-vous? J'aurais dit oui la semaine dernière et cette semaine je sais pas. J'ai l'impression qu'ils vont. Alors, elle a fait quelque chose de heel au début du match, en fait elle s'est moquée de Bayley. Mais en fait, c'est ces moments où on ne sait plus si c'est de l'amitié ou de la moquerie, où elle a mimé Bayley faisant les bras vers le public, hein, juste après que Bayley l'ait fait. Donc du coup, c'était l'impression que c'est de la moquerie. Est-ce que c'est de la sympathie et tout? Je pense qu'elle joue beaucoup là-dessus. Je sais pas, il faut qu'il se décide. La WWE, ça fait quoi? Ça fait un an et demi qu'on l'attend, ce Heel Turn. ça serait plutôt sympathique. Qu'est-ce que t'as Ouais. pensé du match, voilà, et des perspectives pour Elimination Chamber féminin? Bah moi le match je l'ai pas trouvé exceptionnel hein, honnêtement pour le coup c'était vraiment l'exemple typique du match de Go Home Show où on met tous les participants un peu ensemble les heels d'un côté les faces de l'autre et puis bon ils essayent de nous faire croire qu'il y a un enjeu à cette histoire de Alexa Bliss et Mickie James qui à la fin du show sont finalement redevenus un peu copines visiblement mais bon enfin honnêtement moi je m'en tape complètement donc c'est des enjeux secondaires. Par contre, effectivement, là, on va sur un Elimination Chamber où il y a un titre en jeu, et là, on peut tous demander qui va gagner, qui peut gagner. Et moi, la grande question que je me pose derrière, en fait, et j'arrive pas à comprendre, c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ronda Rousey, elle va affronter qui? Et la question que je me suis posée ensuite, c'est, mais au final, est-ce que Asuka, elle a vraiment dit qu'elle affrontait Alexa Bliss. Est-ce qu'on peut pas se retrouver, parce qu'à la fin du Rumble, on avait les deux Non, elle a championnes quand même. désigné personne pour l'instant. Voilà, donc est-ce que Asuka va pas finalement partir contre Charlotte? Parce que Ronda Rousey, là, on pouvait se poser la question, mais là, ils nous l'ont dit, elle signe son Raw contract, donc c'est son contrat à Raw. Donc elle va pas aller à SmackDown. Je pense pas que Ronda va être dans un contre un à Mania. Ouais, mais elle va faire quoi alors du coup? Je sais Bah pas. alors, si tu avais regardé le dernier Talking Catch que vous pouvez regarder tout de suite sur youtube.com, sachez on parlait du fait que la grande rumeur, c'est qu'il y a un tag team match avec Ronda plus on ne sait pas qui, peut-être le Rock, si son assurance accepte, etc. Parce que voilà, il y a eu toute cette histoire sur le Rock qui... Après son dernier match à Mania, il a eu une petite blessure, ça l'a repoussé pour un film, donc du coup l'assurance était pas content et machin et tout. Donc voilà, contre Triple H et Stéphanie. Voilà, un petit peu revenir à l'histoire justement de Ronda et le Rock, et Ronda qui fait une petite clé de bras à Stéphanie là au début de WrestleMania. Je suis pas bon en chiffres, mais c'était le WrestleMania d'il y a 3 ans, je crois. C'est le même où Rollins Ah ouais? a caché la ceinture. L'a caché D'accord. la La mallette, mallette. plutôt. Caché la D'accord. ceinture. Ok. Donc voilà, donc je pense que voilà, ça revient. Ça me semble logique et surtout ça me semble beaucoup plus réaliste parce que c'est pareil, on en a parlé dans le Talking Catch. Je vois pas comment vous pouvez donner comme premier match dans un show télévisé un spot de Mania 1 contre 1 à Ronda Rousey qui a genre aucune expérience de catch en live à la télé. Ouais, et pour un titre Alors, féminin en plus. quel que soit l'entraînement, tu vois, Ouais. même si elle s'est entraînée depuis 6 mois ou je ne sais pas quoi, c'est trop de pression. Il y a personne pour la rattraper, quoi. Donc, je pense que. Ouais, non, mais t'as raison. Et puis bon, bah, Ronda Rousey, ils mettent le paquet dessus, donc il faut que l'accueil du public soit bon aussi derrière. Il faut qu'elle gagne, en gros. Donc si c'est contre une fille du roster, oui, elle va gagner. Donc effectivement, elle va. Enfin, ça paraît délicat qu'elle devienne championne d'une des deux écuries comme ça du jour au lendemain, et je pense que l'accueil sera un peu sévère, comme tu l'as dit, hein, on n'aime pas trop les gens qui arrivent de nulle part et qui gagnent, alors que oui, contre le couple Stéphanie et Triple H, c'est assez facile de devenir face, quoi. Mmh. Oui, mais... voilà. Et en plus, ça va faire plaisir, je disais aussi ça c'est dans le dernier Talking Cage, ça va faire plaisir aux gens qui en ont marre que Triple H prenne un spot à la fin des WrestleMania en permanence. Hein, un mois avant WrestleMania, il arrive, bon, et bah, je vais me faire une rivalité contre ce truc, et puis je serai en main event, hein, ou en co-main event, tu vois. Mmh. Donc du coup, voilà, ça peut le caser là, c'est pas plus mal. J'aime beaucoup Triple H, mais bon, au bout d'un moment, faut laisser la place aux jeunes. Oui, bon, ça pour. Enfin oui, Lesnar, il est pas si jeune, mais. Oh, bah, Lesnar aussi, il peut laisser un peu la place. Hein. Ouais, ouais, ça serait bien que Lesnar prenne un peu de vacances. Surtout qu'il nous rende notre ceinture, tu sais, au bout d'un moment, parce que là, la ceinture, on l'a pas vue depuis. Mais ça dépend à qui il la rend. Mais du coup, si on reste sur les filles, alors toi, tu verrais qui gagner l'Elimination Chamber. Alors, oui, c'est ce que demande sur le chat Richard. Là, je spoil un peu les pronos parce qu'on va faire des pronos en fait dimanche. Mais oui, on a un pré-show hein, pour Elimination Chamber dimanche. On n'a pas encore l'horaire, mais on fera un pré-show. Donc du coup, on donnera nos pronos à ce moment-là. Mais bon, là, je vais répondre juste sur la question du prono pour le Chamber féminin. Je vois bien. Soit Sasha Banks ou Alexa Bliss. Soit Sasha Banks pour une sorte de heel turn où elle devient championne et puis elle nargue Bayley et machin et tout. Ou alors Alexa Bliss tout simplement parce que il faut que parce que tu sais, ils ont souvent l'habitude, la WWE, de dès que le champion a tous les risques possibles, et dès qu'il a beaucoup d'adversaires, finalement, il reste champion. C'est un peu le. Ça a été souvent raconté comme histoire. Donc, du coup, je serais pas étonné. Mais donc, voilà, je vois que. Pour gagner, je vois que Banks et Bliss. Je vois pas Bayley gagner maintenant parce que je pense pas que c'est le bon moment. Banks, ça permettrait justement ce heel turn. Enfin, je trouve que ça correspondrait bien. Donc voilà. Et Richard qui nous dit, je vois aucun adversaire pour Rollins à WrestleMania. Ouais. Bah alors, enfin, non. Tu. Bah, si on part vers une sorte de configuration qui semble probable pour l'intercontinental avec Miss Storage contre Balor Club. Avec Rollins reste un peu, ou alors, mais on voit pas non plus d'adversaire pour Strowman. Donc est-ce qu'on va Est-ce que ils vont encore nous mettre un multi-man match pour l'IC title ou ils vont caser tous ceux qui restent après l'Elimination Chamber? Ouais. Il reste la bataille André le Géant hein, aussi qui peut gagner Rollins. Oui, ben bah voilà. Mettez-le contre Mojo Rawley. Strowman contre le Miz. J'ai entendu parler de ça. Moi, ça me plairait pas tant que ça, mais enfin, c'est vrai que ça suivrait l'histoire. Enfin, il y a une histoire entre les deux, clairement. Mais donc, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est ça qui est intéressant, au moins sur ce WrestleMania, c'est que à part le cas Rollins, qui est un peu plus dur à deviner. Il y a beaucoup de choses possibles en fait. On peut faire Strowman contre le Miz pour rappeler un peu l'histoire donc de la benne, enfin de la benne à ordure où Strowman était censé être mort. et donc du coup, t'as ça. D'un autre côté, t'as le Miz contre Balor. On n'a pas parlé, mais le Miz a tweeté. Un truc sur Balor qui était très méchant hein, cette semaine, au début de la semaine, il a tweeté, ou je sais plus si c'est dimanche, il a tweeté comment appelle-t-on quelqu'un qui n'arrête pas de dire, enfin, qui n'arrête pas de vivre par ses exploits passés qui n'arrive pas à accomplir quelque chose depuis 2 ans, on l'appelle Finn Balor. Donc, ouais. Donc il y a ça aussi, le Miz a mis une petite graine pour éventuellement une feud avec Balor. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Donc, euh, Donc voilà, et on en reparlera donc dimanche. On n'a pas encore l'horaire, mais on vous le donnera sur twitter.com/catchupcdc. On va passer au top et au flop et la note. Vas-y, Raph. Bon, bah là, assez facile, hein. Top, Seth Rollins, très grosse performance de Seth Rollins, qui redevient Seth freaking Rollins. C'est vrai que tu l'as bien dit, hein, c'est semaine dernière les mots, 7 jours plus tard les actes, donc il a déjà dit qu'il serait le meilleur, il l'a été. Le flop, c'est vrai que j'avais oublié moi aussi ce segment avec Asuka. Moi j'aurais dit les interviews justement la post. Ah moi j'ai bien aimé. Hein. Il y en a beaucoup, je sais plus qui, mais il y en a deux ou trois là qui ont j'ai dit. J'ai pas parlé. Ouais, j'ai pas parlé de. C'est vrai qu'il y en a, dont j'ai pas parlé, genre Elias qui. Ils ont tous dit, à part Senna qui était un peu plus recherché, ils ont tous dit des trucs comme quoi je vais gagner. Mais. Et Rollins aussi. Rollins a pas dit. Ouais, c'est vrai. Du coup, j'avais pensé à ça comme flop. Oh, ben, je vais mettre le flop quand même à ce gâchis, disons, ce match très rapidement perdu par The Bar, qui se retrouve inférieur quasiment à Titus Worldwide. Drôle de décision. Et la note, moi, c'est un show qui était vraiment très bizarre. Hein. J'ai jamais vu un Raw comme ça avec ce match d'une heure et demie, mais c'était un très bon match d'une heure et demie, donc je vais dire 3,5 sur 5. C'est un des meilleurs, un des plus originaux de tous les Go Home Show, je pense qu'on ait pu voir. Donc, ça, au moins pour l'effort, je mets le. D'accord. Voilà. Je croyais que j'allais dire que je mets le. Oui, je cherche un mot, je mets un point positif. Il met le point. Le top, pour être. Plus précis, je mettrais Rollins-Cena en fait. Juste le passage Rollins-Cena était vraiment le passage assez passionnant et c'est vraiment le déclic. Enfin, le public l'aimait déjà beaucoup Rollins. L'embêtant, c'est que le public l'aimait, mais ça se reflétait pas dans la façon, enfin dans son booking, etc. Il faisait des excellents matchs, mais jamais vraiment de victoire, surtout en solo en fait. Bah, il était plus en solo, donc du coup ses victoires solo valaient pas grand chose parce qu'il avait pas d'ouverture vers une possible ceinture ou etc. Donc bref, donc c'était ouais vraiment le meilleur passage du show. Comme je l'ai dit, ouais, le Asuka au micro, je pense pas que. Alors il y a des gens qui trouvent ça mignon etc. Je trouve que Asuka, si vous la mettez au micro, gardez-la pour les trucs où elle dit trois trucs. Elle dit je vais gagner. Nobody is ready for Asuka. Et voilà, elle a ses trois ou quatre phrases qu'elle sort et voilà c'est tout. Il y a pas besoin de plus. Lui demander de justifier un petit peu son comment. Lui demander de parler en détail en fait des enjeux du match, c'était vraiment le mauvais plan. Même si elle a appris son texte, hein, mais voilà, la prononciation, ça va pas du tout. Faut qu'elle aille voir Tozawa. Tozawa, il est vachement bon. Hein. Il a bien appris. Enfin, il a une bonne élocution. Ça fait longtemps que je l'ai plus entendu, je t'avoue. Mais... Ah, d'accord. Bah, en fait, en ce moment, il fait des imitations de Vince McMahon. Il est où? Il est à 205 Ouais. Il va voir des mecs du roster des moments. Et genre ils se foutent de leur gueule et puis à la fin il leur dit you're fired. C'est très très drôle. Et donc du coup la note oui, alors très bizarre ce Raw en fait. C'était tout en tout, on est parti de tout en haut de la montagne et on a terminé un petit peu en voilà en zigzag je me suis posé la question en fait, pourquoi on n'a pas eu les filles en opener et pourquoi ils nous ont pas dit Ça c'est l'audience. C'est obligé. C'est-à-dire que si tu fais fuir les gens, si les gens ils commencent à partir au début du show, ils reviendront pas. Alors que si les gens sont là passionnés au début du show, ils auront peut-être une chance de regarder la troisième heure. Donc voilà, c'est un peu ce qu'ils font. Maintenant ils le font régulièrement. Hein, le main event en début de show, la grosse affiche. Après ils font pas un match de 1h30, oui. Enfin ou de 2h. Mais du Roman Reigns, enfin un match de Roman Reigns en opener, on commence à en avoir régulièrement, quoi. Oui, c'est vrai, mais c'est toujours pas. Bah, du coup, ce segment triomphant de Braun Strowman qui finit le match, ça aurait eu plus, enfin, ça aurait eu du poids énorme en main event. Alors que là, au final, je reviens toujours à ça. Je pense pas, moi. Je pense que s'il y a un souci dans ce match, en fait, c'est que la tension émotionnelle, enfin, la tension dramatique, elle est dans l'histoire de Rollins. Et une fois que Rollins part, en fait, direct, c'est. Quelle que soit la qualité du catch, dès qu'il part, l'histoire elle est terminée. Donc du coup, il faut passer à autre chose. Et finalement, en fait, la suite du match, il y a pas vraiment d'histoires qui sont racontées. Enfin, c'est on repart un petit peu sur les mêmes. Enfin, on revient à des rivalités qui existent déjà, quoi. Voilà. Mais Rollins, c'était la nouveauté, on va dire, dans le match. Donc voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais peut-être et ta note, du coup ? Ah oui, ma note. Je vais mettre 3 parce que, en fait, Rollins, c'était génial. Et après, le reste du show a été un petit peu plus. C'était mou, c'était j'ai bien aimé une partie du match féminin, mais d'une autre partie Mandy Rose était horrible, hein. Je leur aurait fallu que j'écrive en détail les spots qu'elle a fait, mais elle était vraiment pas bonne, quoi. Et ça augure du pas forcément bon pour la chambre si elle fait des si elle est pas précise sur ce qu'elle fait. Donc voilà. Bon, la dernière question de Diax, hein, décidément. Il y a beaucoup de questions ce soir. La suppression des pay-per-view, bonne chose selon vous? Et aussi 5 heures de show. Ah, tu veux dire pour les pay-per-view? Ça, on pourra pas le savoir avant que ça commence. De toute façon. Ouais. C'est simplement. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle juste pour moi parce que je préfère regarder un show qui dure 5 heures que devoir regarder un pay-per-view toutes les 3 semaines. D'ailleurs, je le fais pas. Je regarde plus les pay-per-view de SmackDown. Pour moi, il y a deux chose positive dans ce choix. D'abord, il y a, comme tu dis, le fait qu'on va pas être obligé de un dimanche sur deux se taper un pay-per-view. Ouais. Et puis après, on le ressent quand même scénaristiquement, c'est-à-dire que là, on le voit très clairement. Les semaines où c'est un peu le très gros pay-per-view de Raw, à SmackDown, il se passe moins de trucs. C'est un peu plus chiant parce que le prochain pay-per-view est plus long et puis quand même, on met le focus sur l'Elimination Chamber. Et peut-être que dans 2 semaines, ça sera l'inverse. Hein, on sera à fond SmackDown pour Fastlane et Raw, ça sera un peu. Alors que là, tout le monde pourrait être en même temps. Ouais. Voilà. Mais après, comme tu dis, on attend de voir si les pay-per-view font tous 4 heures ou 5 heures. Là. Oui, voilà, faut pas. Je sais pas comment ils peuvent s'organiser, mais on va dire que ça va y avoir beaucoup moins de place pour les matchs. C'est ça. Matchs de rivalité. Les matchs de ceinture. Est-ce qu'ils vont faire en sorte que toutes les ceintures soient défendues à chaque pay-per-view? Et là, ça va peut-être être long. Ou alors ils vont quand même équilibrer un peu les choses. Non, ça va légitimer le fait d'avoir plus de défenses de titre en weekly aussi, ce qui est pas un mal. Donc voilà pour cette question. Allez, on termine. N'oubliez pas Ketchup, c'est sur YouTube, youtube.com/ketchupcdc, ou sinon vous pouvez nous écouter donc du coup sur PodCloud, sur iTunes. Sur toutes vos plateformes de podcast, hein, si vous cherchez Ketchup, facebook.com/ketchupcdc ou twitter.com/ketchupcdc, là où on donne tous nos horaires pour nos streams, etc. Et quand on est en retard comme aujourd'hui, et puis on a le pré-show dimanche de Elimination Chamber, voilà, donc on donnera l'horaire sur Twitter, on vous préviendra à l'avance, vous inquiétez pas. Et cette semaine j'ai aussi NXT tout seul, mais cette fois-ci ce sera pas dimanche parce que je ne suis pas disponible, donc je vais présenter ce NXT tout seul probablement vendredi soir. Pareil, je vais en parler sur le Twitter, ce sera vendredi soir. Une grosse affiche à NXT cette semaine, hein, puisque c'est Gargano contre Cien Almas. C'est Gargano lose, il s'en va d'NXT. Donc ça, c'est quand même du gros enjeu. Alors, je remercie Raph d'avoir été là. Je t'en prie, merci à toi d'avoir commenté et détaillé ce Raw si particulier. C'est un plaisir d'être avec toi. Ouais, c'était compliqué et original, le podcast comme le comme le comme l'euro. Je remercie tous les gens qui sont passés dans le chat, Richard, Diax et compagnie. Et puis je vous dis bonne semaine pleine de catch. Rendez-vous dimanche pour le pré-show d'Elimination Chamber. Gros bisous à toutes. Et que le meilleur gagne.